Bonjour, bonjour, chers auditeurs. On est de retour à l'autre monde dans cette édition du 17 septembre 2009. François Marginat au micro. C'est un retour. Et si vous avez remarqué que depuis un mois, l'autre monde s'est fait silencieuse, votre cher serviteur s'est placé. En fait, on s'est déplacé de l'Asie vers le Québec. Et puis, il a fallu rentrer certains problèmes. Et le plus gros problème, c'est comique, j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs sur les sites du Québec, c'est question d'accessibilité à l'Internet au Québec, et puis c'est assez comique comment qu'on est quand même à 45 minutes de Montréal entre Drummondville et Sorel, et puis on n'est pas capable d'avoir plus qu'un neuf d'Internet haute vitesse. Alors, ça me paralyse un peu dans mes travaux, mais on commence à se replacer tranquillement. Et puis cette semaine, j'ai une belle surprise pour vous, chers auditeurs. On a en studio un invité, Gilles Parent, qui est le naturopathe, en fait le porte-parole des naturopathes agréés du Québec. Et puis, vous savez, on avait fait une série très intéressante. En fait, on a fait deux émissions avec M. Parent dans les années passées, puis on a parlé de la fluoration de l'eau, on a parlé aussi de différents aspects, parce que le fluor, c'est pas juste dans les pâtes à dents, ça se trouve dans l'eau, ça se trouve dans les fertilisants, les pesticides, ça se trouve dans les champs, dans les rivières. Donc, on avait parlé de ça, on se rappelle la dernière émission, ça doit remonter à peu près un an, M. Parent. D'ailleurs, je vais vous souhaiter la bienvenue. Ça fait plaisir. Et on s'était penché un peu sur le cas de du fluor qui était génotoxique, mutagène et qui endommageait énormément aussi l'environnement. Donc, on va poursuivre un peu dans cette lignée-là. Et puis, chers auditeurs, j'aimerais ça vous renvoyer d'ailleurs à ces deux émissions-là. Si vous allez sur la page de L'Autre Monde, sur le site officiel de Choc FM, vous allez trouver toutes les entrevues que j'ai faites ici à L'Autre Monde et vous allez trouver celle de M. Parent. Et je vous invite fortement à aller les réécouter si vous n'avez pas entendu. Vous allez comprendre à quel point que ce résidu industriel-là se retrouve dans notre chaîne alimentaire, dans l'environnement partout. Et puis, c'est un danger réel, autant pour la santé que pour, comme je disais, encore l'environnement. Alors, je vous invite fortement à les retrouver, ces émissions-là, et puis les réécouter. Et puis après ça, vous allez aussi retrouver la semaine prochaine sur les sites du Québec les trois liens aussi vers les trois émissions. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Vous savez, c'est tout en archive sur les sites autant des Nouvelles internationales que Choc FM. Et puis, retapez-vous ces émissions-là. C'est une question de santé, c'est une question de protéger votre santé finalement et puis de votre famille. Et curieusement, depuis qu'on a commencé ces entrevues-là avec M. Parent, j'ai eu l'occasion, évidemment, de parler à beaucoup de personnes. Et puis, c'est quand même curieux de voir que dans la population, l'éveil se fait quand même assez lentement encore. Je veux dire, il y a encore beaucoup de personnes qui sont surpris d'entendre même que le fluor est pas bon. Mais vous savez, en arrière-scène, vous avez des vétérans comme M. Parent qui, ça fait quoi, 20 ans, 30 ans, vous devez être de ce dossier-là? 34 ans ou 35 ans 34 déjà. Ans, c'est ça. Hein? Vous avez déjà écrit un livre d'ailleurs. Hein? Dans les années 75, qui s'appelait « L'inconséquence de la fluoration ». Oui, oui. Puis après ça, on a écrit « La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique » avec Pierre Jumorin et un avocat qui a mené trois grands procès aux États-Unis, Maître Graham. Alors, au Québec, on est les experts, mais on est parmi les experts au niveau du monde aussi. C'est exactement de la façon que je le vois aussi. Je crois que réellement, quand je parle de vous, M. Parent, puis de votre coalition, on va parler d'Eau Secours aussi. Vous allez voir les auditeurs, vous avez des organisations fantastiques, des gens très motivés et surtout très bien informés. Vous avez entendu les deux dernières entrevues avec M. Parent, vous allez voir que on fait ressortir énormément le côté scientifique en essayant de vulgariser, évidemment, mais vous allez voir que c'est pas une question d'hystérie ou de faire peur à la population. Il y a des études, il y a un paquet d'informations à sortir. Et puis d'ailleurs, votre excellent travail porte fruit. Et puis, cette année, j'ai appris qu'il y a des grosses villes comme Québec. On a appris Gatineau, puis vous en avez un autre que j'oublie. Sainte-Marie-de-Beauce, qui est une toute petite ville au sud de Québec, en Beauce. Oui, c'est ça, exactement. Et qui vient juste de décider, là, cette semaine, qui ne rentrait pas dans le dossier. La direction de la santé publique avait fait énormément de pression auprès de la ville. La ville devait changer son équipement de traitement d'eau et en même temps, le gouvernement il a dit, on va installer en même temps un système de traitement et d'ajout de fluorure à l'eau. Donc, il n'y en avait pas à l'origine, on voulait l'amener. La ville avait accepté l'appareil. Okay. Il était déjà commandé pour faire l'ajout des fluorures à la ville. Et la population s'est soulevée, on dit, on l'a pas su, on l'avait caché. Et la ville, il a fallu qu'il retourne un petit peu en arrière. On dit, on va regarder les choses. On va faire une présentation avec la direction de la santé publique, puis on va vous convaincre que c'est bien utile. Mais en premier lieu, se sont installés pour se sont amenés pour faire ça en douce, quoi. Par en dessous, sans que la population... Sans consulter la population. Sans consulter la population. OK. Puis comment que la population est venue à connaître, savez-vous? Ben, il y a des gens qui travaillaient à la ville puis n'ont entendu parler, et ça n'a pas été long que l'opposition s'est soulevée. Des gens, bien des simples citoyens, nous ont rejoints, puis on a dit, ben on va aller vous présenter tous les faits, et après ça, ben organisez-vous pour... faire un travail auprès de la population, d'accord, faire des pétitions. Et un tiers de la population de la ville de Sainte-Marie-de-Beauce a signé la pétition en 6 semaines. Amen. On a organisé une conférence et la direction de la santé publique a essayé de passer par en arrière et a organisé 2 semaines, même pas une semaine avant qu'on donne notre conférence publique, une conférence publique avec le conseil de la ville. Mm-hmm. Auprès de la population, donc une conférence, et ils ont présenté tous leurs arguments. Et la semaine suivante, on a repris tous les arguments et on a prouvé scientifiquement que ces arguments-là, ces assertions, étaient complètement fausses. Fallacieuses, menteuses, mm-hmm, etc. Et c'est grave de dire que la direction de la santé publique puisse faire des affirmations aussi fausses et incroyable, aussi grosses. Hein? Et on va en parler durant l'émission aujourd'hui. Ouais, chacun des points, on va les reprendre un par un. Alors, c'est bien intéressant. Et dans tout ça aussi, la coalition Au Secours a envoyé à la ville leur position. Et à cause de ça, la ville nous a entendu. Le 30 juin dernier, on a eu une confrontation avec la direction de la santé publique, mm-hmm, et les 3 auteurs du livre « La floration, autopsie d'une erreur scientifique », mm-hmm, devant le conseil de ville, sans public. Et on les a confrontés. Puis ils ont tellement perdu souvent la bataille sur le plan scientifique, mm-hmm, qu'on leur a prouvé que ces experts-là, qui étaient le docteur Fortin et le docteur Yves Bonnier, j'essaie de me souvenir son deuxième nom, là, il me passe par la mémoire. Alors, ces docteurs-là ont fait des affirmations. Eux étaient pour la fluoration? Pour la fluoration. Okay. Ils étaient engagés par la direction de la santé publique, payés par la direction de la santé publique. Comme consultants, quoi? Ou... Ils font partie de la direction de la santé publique eux-mêmes. Alors, okay, ils sont donc, on peut dire qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement, puis ils sont venus présenter leur position devant la ville. Puis la ville, elle a dit, on a tellement de positions, tellement côté diamétralement opposées. Mm-hmm. Vos arguments en tant que scientifiques sont aussi valables. Vous fournissez autant les preuves scientifiques. Nous autres, on n'est pas compétents pour pouvoir juger. On a d'autres priorités à faire. Mm-hmm. Alors, on met ça aux oubliettes. La floration ne se fera pas à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est comique, hein? C'est un peu comme on avait déjà parlé de ça. On se demandait qui poussait un peu ça, la floration. Puis on s'aperçoit que souvent, les conseils de ville... implémente la fluoration de l'eau sans réelle volonté ou sans réellement savoir pourquoi. C'est un peu par oui dire quasiment. Là, par puisque quasiment est devenu un mythe à un certain sens. Ben, là, tu sais que... C'est vraiment un mythe. On prétend que la fluoration de l'eau va réduire la carie dentaire. Ouais. Au début, quand ça s'est passé au niveau du gouvernement lors de la commission parlementaire sur la fluoration de l'eau dans les années 75, le gouvernement avait dit que la fluoration de l'eau, ça serait miraculeux, ça réduirait la carie dentaire de 75%. C'est ce qu'il disait. Puis je me rappelle d'un paquet d'études après, même surtout dans les villes américaines, on s'apercevait que les taux de carie étaient beaucoup plus élevés que dans les autres villes qui ne flueraient pas, et sans compter, un paquet de choses, mais tranquillement, la direction de la santé publique, on les a confrontés lors des émissions à Radio-Canada. Mm-hmm. Et puis, du 75%, ça tombait à 65%, puis de 65%, ça tombait entre 20 et 40%. D'appui pour la fluoration? Non, pas d'appui, l'efficacité. Oh, de l'efficacité. L'efficacité de la mesure. D'accord. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé et l'étude qui était faite à l'Université York en Angleterre, c'est la plus grosse revision sur toute la littérature scientifique qui a été publiée jusqu'à ce jour. Ils disent que c'est au plus 15%, puis les études sont même pas tellement valables. Ouais, je me rappelle qu'on parlait de ça. Donc, imaginez, on est rendu à 15% d'efficacité. Alors que normalement, c'est à 75%. Alors, incroyable. C'est plus la même chose. Est-ce que ça vaut la peine de financer une mesure qui coûte cher à installer, qui est difficile à contrôler, etc., que ça prend toujours des techniciens pour mesurer la concentration de fluorure dans l'eau? Est-ce que ça vaut la peine d'installer ça pour 15% de réduction de la carie dentaire avec les risques sur la santé qu'il peut y avoir c'est avec ça? C'est ça, parce qu'on parlait de médication de masse sans faire de différence entre des enfants, des vieux, des personnes âgées où on s'aperçoit finalement que ce sont juste sans parler du concept là du fluorure en tant que tel, là, déjà c'est ça, il y a des contradictions. Mais il y en a une affaire qui me surprenait dans votre histoire, c'est déjà d'entendre que dans une petite ville comme Sainte-Marie-de-Beauce, qu'on a un tiers de la ville qui j'imagine qu'ils ont un certain nombre d'informations qui leur permettent de croire que la fluoration est pas nécessairement bonne. Et puis, c'est quand même encourageant d'entendre ça. On a eu la chance à Sainte-Marie-de-Beauce de pouvoir passer sur la télévision communautaire, sur la radio communautaire, la radio locale, dans les journaux, deux conférences publiques. Ce qui a fait que la population a entendu parler de vous. C'est ça. Et les gens qui étaient très actifs au niveau-là ont fait signer les pétitions. D'accord. Et en 6 semaines, ils ont pu avoir le tiers de la des gens qui ont signé dans la ville. Ce qui est surprenant, oui. Et le tiers, ça l'inclut les parents des enfants. Ça l'inclut pas les enfants des parents qui ont signé. D'accord, là. C'est un tiers de la population. Donc, ça représente pas loin déjà 50 % de la population. On inclut les enfants de ces parents-là les enfants et les grands-parents qui ont peut-être pas signé. C'est pas tout le monde en 6 semaines. Alors, quand un tiers de la population en 6 semaines signe une pétition, là, les maires, ils disent, si on veut être élu à la prochaine élection, il faut respecter pas bien. C'est ça. Puis le choix de la population. Je suis surpris de comprendre, parce que tu vois, ce que je faisais allusion au début d'émission, c'est un peu indifférence, je dirais. Des fois, les gens, on parle de fluor, et puis, on dirait que c'est l'information ne charge pas dans le cerveau. Et puis, il y en a des dentifrices, mais les gens savent pas que c'est une substance qui est juste légèrement moins toxique que l'arsenic, c'est pas mal plus toxique que le plomb. En fait, ils savent pas grand-chose à propos de ça, et puis c'est un peu pour ça, j'imagine, que les gens réagissent pas. Et puis c'est pour ça que j'étais content de voir la réaction des gens là-bas. Ça va nous amener au sujet d'eau secours, mais avant d'y arriver, c'est un peu lié avec ça, oui, c'est ça, parce qu'on a des gens qui travaillent. Gatineau, Québec. Québec, c'est au mois d'avril qu'ils ont arrêté la fluoration de l'eau. Ça avait été décidé un an d'avance. Ouais. Mais comme il y avait des contrats, il fallait qu'ils respectent les contrats jusqu'à la fin. Ouais. Et puis la ville de Québec a arrêté la fluoration. C'était la plus grosse ville au Québec qui fluorait l'eau. Qui restait. Et on avait 7.5% de la population qui fluorait l'eau au Québec. Content, et en arrivant à Québec, on est tombé à 3%. À 3, là. OK, tu vois, je disais 4 aux gens. Donc, à 3%. Puis là, Gatineau... quelque chose comme ça. Gatineau avait fait une commission une commission de la ville sur la question. Ils ont fait venir tous les experts, mais ils n'avaient pas fait venir les opposants. OK. Et au secours, et plusieurs autres groupes ont fait énormément de pression pour que la ville, on leur a présenté toute la question. Et le commissaire, en quelque sorte, de l'environnement de la ville, qui est un des conseillers de la ville, lui dit, ça n'a pas d'allure, on va rejeter une substance toxique à peu près 8 fois la dose maximum permise pour l'environnement. Dans la nature, qui est 0.12 parties par million. Incroyable. Alors, les insectes et les poissons peuvent être affectés. C'était un thème sur lequel, chers auditeurs, on avait abordé aussi, je crois que c'était la dernière entrevue avec M. Parent, et puis on avait parlé beaucoup des nappes phréatiques, de l'eau et puis des conséquences, parce qu'on dépasse largement les mesures, les standards. Quand on rejette le fluorure dans l'eau lors des rejets des égouts, la concentration des fluorures est pas loin d'une partie par million, alors que dans la rivière, le maximum permis pour affecter des poissons, c'est 0.12 parties par million. Les insectes vont être affectés. Alors, ça, c'est Environnement Canada qui a la norme de 0.12. Donc, quand on fait un rejet, t'es pas supposé rejeter plus que 0.12. Mm-hmm. C'est la loi. Et puis là, si on va mesurer à la sortie de plusieurs villes avec l'irrigation, les rues, tout le kit, se retrouve avec des taux de... De à peu près une partie par million. Donc, on rajoute à l'eau... 9 fois plus. À peu près 9 fois plus. On rajoute à l'eau 0.7 parties par million. Avant ça, c'était 1.2 parties par million. Mais ils sont aperçus qu'il y avait tellement de gens qui souffraient de fluorose dentaire qui ont réduit la concentration, qui était la seule concentration qui était efficace à ce moment-là, de moitié, en disant ça va être aussi efficace. Moi, je connais pas beaucoup de médicaments où on peut couper la moitié de la médication puis dire ça va être aussi efficace après. Ça, c'est une pensée qui me revenait souvent tout le long des entrevues qu'on a faites avec mes parents. C'est incroyable. C'est les contradictions... dans lesquels ils se mettent, tu vois, on affirme telle affaire et puis ça c'est ce qui est réglementaire et puis c'est bon et puis ça va empêcher la carie puis tout et puis là après ça on change les standards et puis on affirme que ça fait la même affaire et puis que c'est incroyable ça doit être comique en quelque part quand vous allez vous présenter vous d'un comité en face de l'hôtel de ville et puis d'aller voir se contredire quoi puis d'arriver avec des chiffres qui dans le fond en fin de ligne le font pire un sens. C'est que quand on fait des débats ils se contredisent 6 lignes plus loin ils disent exactement le contraire c'est ça. Et avec le docteur Bonnier. Quasiment, on va être fronté dans un certain sens. On a fait, justement, j'ai écrit, puis il dit, non, je m'engage pas là-dedans, là, parce que c'est trop de discussion, mais je te fournis un document. Uh-huh. Alors, le docteur Fortin avait dit lors d'une conférence que 99% du fluorure qui est absorbé est excrété par l'organisme, donc on en retenait juste 1%. Okay. Il m'envoie un document qui démontre que le corps en retient 50% du fluorure qui est absorbé, donc qui s'accumule dans les os puis les dents, c'est ça qui fait que c'est toxique. C'est juste 50 fois plus. C'est juste 50 fois plus. À peine. Puis il me fournit le document. C'est incroyable. Qui vient de l'Institut national de la santé du Québec. Quand même. Puis qui discrédite exactement ce qu'il vient de dire auparavant. C'est ça. Incroyable. Et j'ai demandé au docteur Bonnier de signer des affirmations qui avaient été dites par le docteur Fortin, mm-hmm. puis de dire, ben ça, c'est l'engagement de la direction de la santé publique, c'est mon engagement personnel en tant que médecin, que ces affirmations sont là, sont vraies. Il n'a pas voulu signer aucune des affirmations qui avaient été dites. Ça parle. Et c'est un des éléments qu'on a envoyé à la ville. On a fait de la communication courriel en même temps. Évidemment. Et quand j'ai envoyé le courriel au docteur Bonnier, ben j'ai envoyé aussi la correspondance à la ville. Et comme ils n'ont pas voulu signer, c'était un argument de plus. Évidemment. C'est ça, à un moment donné, il y a des personnes qui, peut-être croient au mythe, mais il y a quand même beaucoup de personnes, à un moment donné, qui vont prendre le temps de juger les choses à tête refroidie si on prend le temps de leur présenter les faits, quoi. C'est ça. Si des conseillers d'une ville qui n'ont pas nécessairement une formation universitaire sont capables de discerner les erreurs majeures qu'il y a là-dedans, la théorie de la fluoration de l'eau est bien faible. C'est ce que je me rends compte à un moment donné, c'est qu'on se rend... vous me confirmez là ou vous m'infirmez, là, tout dépendant de votre impression, là, mais j'ai l'impression qu'on arrive à un moment donné où le tempo de la fluoration est en train de s'essouffler et que la population semble être prête à... changer de cap, quoi. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le monde scientifique est en train de changer de cap. Uh-huh. Les chercheurs commencent à embarquer. On a presque 3000 chercheurs, des PhD, des chercheurs, des directeurs de centres de recherche, etc. D'accord. Entre autres, le Dr. Harty, qui était doyen du département de médecine dentaire de l'Université de Toronto. Qui s'oppose à la fluoration de l'eau. D'accord. Et Dr. Dr. Limebach a été sur le Conseil national de la recherche, c'est eux autres qui ont écrit le rapport du National Research Council aux États-Unis, qui est un rapport écrit par 12 grands chercheurs sur la question, des experts. Mm-hmm. Et c'est lui, en fou aussi, qui a écrit la préface de notre livre, La fluoration toxique. Oui, je crois qu'on avait parlé dans une émission. Alors, c'est du monde quand même bien sérieux. Il y a 3000 professionnels de la santé qui ont signé la pétition contre la fluoration. Puis c'est une pétition qui est internationale. Quand même. Alors, ministre de la santé de l'Australie a signé. Des noms comme Nobel. Donc, on peut dire qu'on est passé d'il y a quelques années à, les gens qui vous auraient dit « toutes les études prouvent que la carie est prévenue. » On va revenir sur les 27 000 études scientifiques. Oui, c'est ça. Je crois qu'on avait parlé, il en reste à la fin quelques-unes, quoi, finalement, quand on a tout retranché. 214 au lieu de 27 000. C'est ça. Donc, on se rend compte que la vapeur est en train d'être renversée, quoi, et puis que de plus en plus de monde se rend compte, finalement, que, bon, c'était une erreur monumentale, et puis que ça fait longtemps, finalement, on aurait dû changer de cap avec ça. Et puis, on se retrouve avec, revenons-y au secours. Je me rappelle, j'avais parlé de tout ça dans les tout débuts de l'Autre Monde. J'avais découvert cette organisation-là. J'avais parlé un peu de fluoration moi-même, mais... On vous a autorisé à parler, vous travaillez étroitement avec cette organisation-là et puis vous êtes en position Secours aussi. Donc, je suis membre de plusieurs coalitions, en fait, puis plusieurs groupes. Alors, j'ai donné justement dernièrement une conférence à l'Assemblée générale de Au Secours qui ont vraiment pris officiellement position contre la fluoration d'une façon catégorique. Mm-hmm. Ils s'opposent à la fluoration pour différentes raisons, puis c'est ça qu'on va parler dans quelques minutes. D'accord. Ouais, parce que ça, je voudrais qu'on parle un peu là, de votre travail puis d'Au Secours aussi, c'est qui ces gens-là, premièrement, parce qu'il y a souvent des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette organisation-là. Alors, Au Secours, c'est une coalition de différents groupes, des groupes comme les Amis de la Terre et ainsi de suite, des groupes qui touchent à l'environnement, dont le but, Au Secours, c'est de protéger la qualité de l'eau de faire en sorte qu'on utilise l'eau d'une façon raisonnable, qu'on l'économise, qu'on la pollue pas, pour qu'elle soit toujours de bonne qualité, pour qu'on ait une eau, une ressource qui est importante, donc qui protège les lacs, les rivières. Donc, c'est pas juste fluoration, c'est sous tous les aspects, sur tous les aspects, l'utilisation, les contours d'eau pour que les usines puissent recycler leur eau et non pas utiliser des systèmes de refroidissement, par exemple, qui fonctionnent à l'eau, mais plutôt de recycler la même eau ou encore d'utiliser des systèmes qui refroidissent à l'air ou d'autres manières de refroidir avec la géothermie, par exemple. Est-ce que Eau Secours va traiter du sujet épineux de la privatisation de l'eau aussi? Ben oui, tous les aspects. Okay. OK, d'accord. Alors, si on donne la position, par exemple, d'Eau Secours, alors elle s'oppose à la fluoration de l'eau des aqueducs et demande au gouvernement qu'une loi de santé publique l'interdise, pas juste la permettre ou n'importe quoi, l'interdire, car nous jugeons que ce n'est pas une bonne façon d'atteindre l'objectif de la santé dentaire. Alors, Eau Secours continue. Nous vous demandons de considérer les points suivants qui expliquent pourquoi la coalition Eau Secours est contre la fluoration de l'eau potable. Bon, allez-y. Alors, la fluoration n'agit que s'il est en contact direct avec les dents. Donc, ça a juste un effet topique et non pas un effet systémique. Donc, il n'y a pas indiqué de l'ingérer. Il n'y a pas de raison de la boire. C'est juste efficace d'une façon topique. Et quand on la boit, la concentration dans l'eau n'est pas assez élevée pour que ça ait un effet sur les mailles des dents. Alors, pourquoi fluorer 100 % de l'eau potable lorsque moins de 1 % de l'eau est bu ou utilisée pour l'alimentation? Donc, un très faible pourcentage se retrouve en contact avec les dents. Puis pas longtemps, parce qu'on mange puis on boit l'eau assez vite, donc ça reste pas assez longtemps pour que ça agisse. Alors, le fluorure peut être néfaste pour certaines personnes, dont les personnes âgées, qui peuvent l'accumuler trop grand dans les os puis développer de la fluorose osseuse, les diabétiques qui boivent beaucoup d'eau. Vous décrivez la fluorose pour les gens qui... Alors, la fluorose osseuse, c'est des problèmes qui ressemblent à l'arthrite. Et la fluorose dentaire, ce sont des taches qui sont jaunes ou blanchâtres sur les dents. C'est indélébile, c'est permanent. Et quand c'est assez modéré ou sévère, ça prend des réparations des dents complètes. Ça coûte à peu près 100 000 $ par dent pour réparer une dent qui souffre de fluorose modérée ou sévère. Et pour juste l'esthétique, ça peut être des abrasions, des choses comme ça, mais ça rend la dent plus fragile, plus sensible à la chaleur et au froid. Alors, c'est un problème. Et il y a une étude qui était faite à Trois-Rivières où l'eau était fluorée. Là, à ce moment, c'est pas fluoré parce que faut qu'ils changent d'appareil. Puis on poursuit encore les crédits par le gouvernement, parce que le gouvernement, il n'y a pas d'argent en ce moment pour refluorer l'eau. Donc, ça fait un an presque, depuis janvier dernier, qu'ils ont pu la fluoration de l'eau à Trois-Rivières. Donc, Trois-Rivières fluorait aussi. Et ça, c'était la deuxième plus grande ville qui fluorait à peu près au Québec. Alors, si on enlève Trois-Rivières puis Québec, il ne reste plus grand monde. Non. Alors, il y a les personnes qui souffrent de maladies d'insuffisance rénale qui vont retenir davantage. Les bébés, les enfants sont extrêmement sensibles aux fluorures et même la direction de la santé publique a émis un avertissement sur son site, mais il l'a pas rendu tellement public, que les parents devraient pas préparer les préparations pour enfants, Le lait maternisé avec le fluorure, avec l'eau fluorée, parce que ils accumuleraient une trop grande quantité de fluorure et cela causerait des dommages aux dents. Imaginez. Ça a été... On n'a pas aussi une nouvelle notice sur l'étude de pâte à dents. On essaye maintenant de déconseiller ça aux enfants de moins d'un an ou deux. De deux ans, se brosser les dents parce qu'ils en avalent une trop grande quantité. Tant que l'enfant n'est pas capable de contrôler la déglutition, ça c'est souvent pas avant l'âge de 3 ans, les enfants ne devraient pas se brosser les dents avec un dentifrice fluoré. Et en plus de ça, les parents devraient surveiller les enfants qui se brossent les dents, pas qu'ils utilisent plus que la grosseur d'un poids. C'est pas gros. Non, c'est ça. Et il devrait être complètement sur surveillance. Et les tubes de pâte à dents devraient être sous clé parce que c'est un produit qui peut causer des empoisonnements si les jeunes enfants avalaient la moitié du tube. Et aujourd'hui, il y a tellement des tubes pour enfants qui ont des saveurs fantastiques que les enfants mangent ça comme c'était des bonbons. Exactement. Puis en mettre épais. Alors, tout parent devrait continuellement surveiller leurs enfants pendant qu'ils se brossent les dents et après ça, mettre le tube sous clé. Ça arrive-tu, parce qu'on parle d'empoisonnement, c'est quoi la dose, mettons, qu'un enfant pourrait se retrouver avec un problème, quoi? Avec moins de 500 milligrammes, ça serait un empoisonnement grave. Sérieux? Les gens devraient rentrer à l'hospitalisation. Même, ils disent sur les tubes, si vous regardez, tout enfant qui avale plus que la quantité requise, qui est la grosseur d'un demi-poids, s'il en avale plus que ça, ça vous devez amener votre enfant directement à l'urgence ou au centre antipoison. Donc, j'imagine qu'il n'y a personne qui fait ça, mais normalement, quoi, et il faudrait... Il y a eu plusieurs centaines de cas d'empoisonnement au Canada et plusieurs milliers aux États-Unis. C'est une des grosses causes d'empoisonnement qui emmène des enfants. Et quand les enfants n'avalent pas nécessairement un tube, ça pourrait tuer un tube familial, là, pourrait tuer un enfant de 3-4 ans. Incroyable, hein? Okay. On n'entend jamais vraiment parler de ça. Puis des fois, on dit ça aux gens, puis les gens sont surpris. C'est pas pour rien qu'il y a un avertissement sur les dentifrices maintenant. La Santé Canada va l'obliger au Canada si c'est pas fait, là, ça va être bientôt. Mais aux États-Unis, c'est obligatoire depuis à peu près une quinzaine d'années. Incroyable. Alors, si je reviens à la coalition, parce qu'on finira jamais. Ouais. Les bébés et les enfants sont également sensibles. Les effets néfastes du fluor peuvent causer sur la santé sont, entre autres, les risques accrus de fractures, réduction du quotient intellectuel, puis la fluorose dentaire, puis la fluorose osseuse. La fluorose osseuse, évidemment, c'est pas un gros problème au Canada parce que les concentrations sont pas assez élevées. Mm-hmm. Mais sur une vie, peut-être sur 40 ans ou 50 ans, ça pourrait causer des symptômes semblables à l'arthrite, à l'arthrose. D'accord. Donc, des gens qui pourraient avoir des symptômes comme ça aussi... Ça pourrait être causé par les fluorures, et alors que ça ne serait pas une autre cause de l'arthrose. Okay. L'eau fluorée n'est pas une mesure nécessaire pour ceux qui se brossent les dents d'une façon régulière. Pour la population qui en aurait besoin, il existe des moyens beaucoup plus efficaces et moins coûteux, comme les dents avec les scellements, sceller les dents avec un genre de vernis. Mm-hmm. Alors ça pourrait être beaucoup plus efficace. Et ça serait beaucoup plus efficace si on utilisait l'éducation dans les écoles, puis la distribution de brosses à dents, puis de dentifrice dans les écoles. Puis la nourriture aussi qu'on distribue dans les écoles, hein, ça l'aide pas. Hein. Une autre chose, puis ça, la direction de la santé publique le conteste, mais c'est officiel maintenant, c'est un médicament, les fluorures. Alors, on impose un médicament sans prescription de médecin à toute une population qui, individuellement, n'a pas donné son consentement. C'est ça. Et la loi de la liberté, des droits et libertés du Canada fait qu'on n'a pas le droit d'imposer quelconque médication à personne sans son consentement. Donc, la médication de masse n'est pas acceptable. Mm. Comme les vaccinations aussi, les personnes n'ont le droit d'imposer une vaccination. Comment ça y revenir aussi, c'est un sujet chaud tout autant. Et on n'a pas non plus identifié si les gens qui vont consommer cette eau-là fluorée en ont vraiment besoin. Mm-hmm. C'est ça, on parle tout le temps aussi de dosage. Là. De dosage, on ne peut pas contrôler. Combien ils vont en prendre. Donc. Exact. Or, la fluoration ajoutée de l'eau est une substance plus toxique que le mercure, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est un petit peu moins toxique que le mercure. Et de nombreuses études scientifiques démontrent que les effets nocifs sur la santé, puis il y a aussi des effets nocifs sur l'environnement. Au Secours affirme aussi qu'on ne connaît pas les conséquences au niveau de la bioaccumulation du fluor. C'est un produit toxique qui se trouve dans l'eau usée. Mm-hmm. On ne sait pas quelles sont les conséquences sur l'environnement. Ça a à peu près jamais été étudié, sauf que Santé Canada est bien clair, les fluorures, ça pose des problèmes sur l'environnement. En Colombie-Britannique, on a eu des problèmes sur les saumons à cause des fluorures parce que ça allait affecter les insectes dans l'eau. Au Secours, on s'inquiète de la pollution de l'eau à grande échelle par ce produit chimique. On souhaite que nous souhaiterions sur ce dossier une position du gouvernement pour l'ensemble du territoire. De plus, nous jugeons important que la population soit informée de toutes les conséquences reliées au fluor. Pour la coalition Au Secours, il est important de préserver la qualité de l'eau dans une perspective de la santé publique, de protection de l'environnement puis des droits des citoyens. Alors, c'est les raisons pourquoi Au Secours s'oppose à la fluoration de l'eau. OK. Bon, ben ça, on va vous laisser réfléchir à ça déjà en partant, chers auditeurs. On va y aller avec une pause. Vous savez, c'est beaucoup d'informations. Puis je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet après la pause. Donc, préparez-vous. On va parler de tout ce dossier-là plus en détail, puis on va revenir aussi sur le domaine de la santé plus en large avec M. Parent qui est avec nous en studio à l'autre monde. Alors, on part en pause. Yeah. Et vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginon au micro, avec notre invité spécial en studio, Gilles Parent. Nous allons continuer avec cette lancée d'eau secours. Déjà, avant de partir plus loin dans le sujet, Monsieur Parent, on peut devenir membre, on peut aussi obtenir beaucoup d'informations d'eau secours. On peut se rendre sur leur site Internet. Donc, pouvez-vous nous en parler plus, le site Internet? Bien, sur le site Internet, eau secours est en partie en constitution, là, mais sur le site, vous pouvez vous inscrire comme membre pour essayer de protéger l'eau. Mm-hmm. Alors, eau secours fait toutes sortes d'actions. Il était, par exemple, à Radio-Canada hier, aux nouvelles, à 6 heures, au sujet des compteurs d'eau. Si les grosses industries qui utilisent peut-être la tiers de l'eau que la ville de Montréal produit à des gros coûts utilisent l'eau pour à peu près n'importe quoi, y compris pour le système de climatisation, puis rejettent ça dans la rivière, ça coûte très, très cher et c'est les citoyens qui payent. Alors, faut essayer d'utiliser l'eau d'une façon la plus économique parce que c'est une ressource qui a des limites. Alors, je suis bien heureux d'être au Canada puis pas dans le Sahara parce qu'au Sahara, là, on vit avec une coupe de cuillère d'eau de par jour. Ouais, ouais. On commence à avoir des luttes, même des guerres qui pointent à cause de l'eau. De l'eau. Donc, puis dans tout le sud du Sahara, il y a beaucoup de guerres justement à cause de ça et les gens vivent dans la misère parce qu'il n'y a pas d'eau, alors que nous autres, on a des ressources presque loin d'être inépuisables, mais on a l'abondance pour l'instant. Comparé à tout cas beaucoup de pays dans le monde. Alors, sauf que notre eau se détériore. Hein? Détériore. Alors, c'est très important de pouvoir s'unir à tout groupe, que ce soit les Amis de la Terre ou Au Secours, qui essayent de protéger la qualité de l'eau, puis la qualité du sol, l'environnement. C'est très important. Il faut travailler là-dessus. Alors, tous les gens qui pourraient devenir membres et puis participer à différents débats, parce que Au Secours ne touche pas seulement la floration, et loin de là, c'est juste un sujet qu'ils ont abordé parce qu'ils ont vu les implications au niveau environnemental. Ça touche à l'eau, mais... Alors, il y a un comité à Au Secours qui travaille juste cette question-là, des chercheurs qui sont en train de revoir la littérature là-dessus, et aussi déterrer beaucoup de choses qui sont pas toujours propres. Comment l'industrie, l'industrie des engrais chimiques et l'industrie des produits de traitement de l'eau sont contents de se trouver de nouvelles villes qui vont florer l'eau pour être capables de vendre un petit peu plus de ce poison-là. Mm-hmm. Autrement, ils sont obligés de s'en débarrasser à haut coût, parce que c'est très dispendieux de se débarrasser des poisons qui sont, des substances qui sont extrêmement toxiques. C'est un déchet industriel, là, dans le fond, là, qu'on rejette dans l'eau. Donc, on veut devenir membre, on veut soutenir au secours. Alors, je voyais un coupon aussi, vous m'avez présenté. C'est une dizaine de dollars, quoi. Ça coûte seulement 10 dollars pour être membre. Ça n'affaire de rien, puis on peut faire beaucoup. Puis vous avez juste à envoyer votre chèque à Au Secours, casier postal 55036. Au centre Fairmont à Montréal, le code postal c'est H2T3E2. Alors je répète, casier postal 55036 au secteur, je sais pas, au casier, centre postal, c'est ça que ça s'appelle, centre postal casier Fairmont postal, à Montréal, H2T3E2, ou encore vous pouvez aller chercher le coupon sur l'internet puis vous inscrire. Voilà. Leur écrire, puis ils vont faire un plaisir de vous répondre. Puis comme d'habitude, chers auditeurs, vous avez tout le temps tous les liens, les informations qui se retrouvent sur Les Nouvelles Internationales, qui est mon blog personnel. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller visiter le site et puis d'aller trouver tous les liens pertinents à ça. Et puis, franchement, c'est pas question de faire juste du plugging. C'est de quoi qui est vraiment important, là. C'est très important. Et puis, allez chercher, vous allez avoir des banques d'informations incroyables de ce site. J'y vais quand même de façon assez régulière pour voir... le suivi de ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de quoi être vraiment intéressant. Puis, comme on dit, 10 $ pour supporter cette organisation-là. C'est très peu pour le bien qu'ils font. Comme vous voyez, là, on a réussi même à informer les gens et puis à, soit empêcher que la floration commence ou à l'arrêter dans différentes villes au Québec. Donc, on se retrouve au Québec avec un taux de pourcentage de floration de 3%, alors qu'en Ontario, c'est quoi? 75%. 75, j'avais lu 70. Ouais. De 10 ou 75, là, les chiffres se battent, mais ça commence à décrocher maintenant. Il y a des villes qui ne rentrent pas dans la floration de l'eau ou qui cessent la floration de l'eau. C'est très bon, c'est très bon. Donc, revenons à ces fameuses... ces fameuses études, quoi, sur lesquelles, bien souvent, des gens qui sont embarqués dans cette mythologie de l'effloration-là se basent, bien souvent, pour contrecarrer nos argumentations, et qui, finalement, se retrouvent, vous allez nous en donner plus de détails, mais quasiment sans fondement, quoi. Alors, la direction de la santé publique affirme, et un peu partout, qu'il y a 27 000 études scientifiques qui supportaient la floration. Donc, on a attiré l'attention lors du débat à Sainte-Marie-de-Beauce au docteur Fortin, le fait qu'il y avait 27 000 études scientifiques qui supportaient la fluoration. Alors, il dit, la direction de la santé publique n'a jamais dit ça, qu'il y avait 27 000 études. Je vous avais déjà vérifié, voilà, ça en avait 27 000. Ah, il dit, oui, j'ai tapé sur Google. OK. OK. Puis j'avais 27 000 hits ou sur les banques de données scientifiques, puis il y avait 27 000 hits sur fluorure puis santé. Ça, c'était sa référence. Sa référence. Wow. Alors, j'ai dit, savez-vous que la plupart des articles qu'il y a là, c'est pas des études scientifiques, mais simplement des articles. Ça peut être une note, ça peut être une lettre à l'éditeur, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est une référence sur Internet, dans le fond, qui te sorte, là. C'est pas une étude vérifiée. C'est ça, par des pairs publiés dans un journal médical. J'ai dit, savez-vous la différence? Et quand j'ai posé cette question-là, il a plus voulu répondre, il a plus voulu aller plus loin. Ben déjà, il savait que là, on s'en allait pas dans la bonne direction. Alors, sur le site de la Direction de la santé publique de Montréal, Santé publique du Québec, mais la section de Montréal, il y a un article, ça s'appelle « Les opposants, pourquoi y a-t-il encore des gens qui s'opposent à la fluoration? » Puis ils disent « Ceux qui s'opposent à la fluoration ne perdent jamais une occasion d'affirmer que l'addition du fluor à l'eau potable produit des effets nuisibles à la santé ou à l'environnement. » C'est un trait là, très caractéristique des opposants de toujours vouloir attirer notre attention sur quelques études particulières ou de citer seulement certains passages provenant d'autres articles scientifiques pour prouver les soi-disant méfaits du fluor. Ce sont des arguments qui sont piteux, qui ne s'appuient que sur des demi-vérités ou des sous-entendus visant à discréditer la fluoration. Les raisons citées ne peuvent pas être justifiées vu qu'ils ignorent les nombreuses preuves scientifiques auxquelles on peut véritablement donner créance. Car il faut faire la constatation qu'il y a aujourd'hui après plus de 60 ans, plus de 27 000 études fiables. Et c'est bien intéressant parce qu'ils disent qu'il y a 27 000. Ça, c'est écrit dans le document. Écrit dans le document. Quand j'ai dit ça, c'était pas vrai. Montréal. Mais juste entre-temps, ils ont changé le texte d'un autre, mais ils ont oublié celui-là. Ah, okay. Il est encore sur le site de la santé publique. Alors, sur l'autre site, ils l'ont changé. Ils ont changé le 27 000 par des milliers. Oh! Les milliers, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, là, mais disons que c'est un peu moins embêtant. C'est censé être le ministère qui, finalement, t'apporte des documents, des preuves comme quoi que c'est bon. Et puis, on n'est pas capable de les citer. Et puis, on a dit qu'il y en a des milliers, simplement. Il ne pouvait pas supporter le 27 000, donc ils ont changé. C'est qui mentait? Incroyable. C'est qui faisait des affirmations fallacieuses, fausses, trompeuses? C'était la direction de la santé publique. Ils sont là, supposément. C'est ça. Pour finalement faire en sorte qu'on ne soit pas pris en arrière avec des fausses données. C'est ça qui est assez incroyable, chers auditeurs. Et puis, écoutez bien, M. Parent, là, ça va pas continuer, ça va pas s'arrêter, ces contradictions-là. C'est ça. Puis, disons, tous ces chiffres-là, ils sont sortis lors de la conférence aussi du Dr Fortin à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça s'est sorti aussi à Gatineau. Ça sort partout parce que c'est des chiffres qui circulent dans la direction de la santé publique. Qui mettrait en doute la direction de la santé publique? C'est tous des experts qui sont supposés être là. Il mentirait pas, ce monde-là, jamais! Un coup que le mot circule, eh bien, tout le monde attrape le chiffre et puis on le resserre à tous les sens. C'est ça. Alors, c'était dans les journaux en 2005. C'était partout, le 27 000. Donc, le docteur Fortin, il a dit, c'était pas vrai. Ça, jamais personne n'avait dit ça à la direction de la santé publique. Wow. J'ai des tas de preuves dans les journaux, le journal de la presse, le journal de Montréal, Radio-Canada, CBC en anglais. Ils ont tous cité ça. Donc, on peut présumer que ces gens-là déjà consomment assez de fluor, que leur mémoire est affectée et puis... Probablement. C'est une des conséquences que ça peut avoir une diminution du quotient intellectuel. En Angleterre, il y a une révision qui était faite par le Center for Review and Dissemination. C'est la référence en question de santé publique. C'est une université qui vont tout fouiller, regarder tous les aspects pour différents problèmes de santé, puis ils se sont penchés sur la fluoration en 2000. Ils ont demandé à tous les chercheurs à travers le monde de fournir toutes les publications scientifiques sur la fluoration de l'eau. Tous les auteurs, toutes les banques de données. Pour les banques de données qui n'étaient pas électroniques, ils ont fait tout à la main pour les anciennes, parce que on a les banques de données à peu près juste depuis à peu près 1980. Avant ça, ça se faisait tout par écrit, puis c'était pas électronique. Ouais. Alors, les vieilles données, ils ont tout fouillé. On a tout rassemblé ça, ce qui était crédible. qui touchait la question de loin ou de près à la fluoration de l'eau, mm-hmm. même pas crédible, là, juste okay. publié dans les, pas les articles, les études. On a dit, sortez les études qui ont été faites sur le sujet, peu importe là, non, c'est ça. L'orientation. Alors, ils en ont trouvé 3246 études. À travers le monde? À travers le monde, dans toutes les glandes, dans tous les pays. D'accord. Bon. Donc là, on est passé de 27 000 à 3 000. Bon, c'est une petite différence. C'est déjà une bonne marge. Alors, après ça, ils ont enlevé les études qui touchaient pas la fluoration de l'eau, mais c'était sur le fluorure ou des choses comme ça. Puis en fait, ils ont enlevé les études qui étaient sur les animaux parce qu'on touchait les humains. Et ça tombait à pas 27 000, ça tombait pas à 3 246, ça tombait à 635 études. OK. Wow. Qui s'appliquent aux humains. Qui s'applique aux humains. OK. Et après ça, on a regardé la qualité, ceux qui avaient des données avant, ceux qu'on contrôlait un petit peu les facteurs, etc., les sujets. On prenait les données avant, on prenait les données après, au moins, là. Et ça tombait à 255 études scientifiques. Whoops. Whoops. C'est incroyable. Donc, 635, on tombait à 255. Ça, si on parle des études qui ont été faites depuis... Le début de la fluoration de l'eau. Depuis 1950, wow. À peu près. C'est ça. 45, là, ça a commencé. Après le coin de la guerre, la Deuxième c'est Guerre ça. Mondiale. Les premières études ont commencé en 1945. Les résultats des études ont commencé à sortir en donc, 1950. Donc, 200 combien? Alors, de 255 études. 255 études sur une période de 50-60 ans. C'est ça. Ah, oh, je m'excuse, j'ai dit 255. C'est à 254 études. OK. Si on enlève les copies... Ah, parce qu'il y a des copies études. Là-dedans. Alors, il y a le même article qui a été publié dans deux journaux médicaux, mais c'est la même étude. OK. OK. Ça tombait à 214. OK. Sur la question d'efficacité, il y en avait 22. 22 études, donc... Sur les effets toxiques, c'était les autres études. Oh. Alors, la fluorose osseuse, la fluorose dentaire, la fracture osseuse, ils ont regardé tous les aspects. Alors, la plupart des effets des études étaient sur les effets toxiques, les négatif. Effets nuisibles, négatifs de la fluoration de l'eau. Donc, il nous en restait 22 avec des études sur les effets. Okay. Et sur l'efficacité, il y en avait 22, et ça réduisait la carie dentaire au maximum de 15%. Et les auteurs de la revue... C'est là que le chef vient, finalement. C'est 15% de réduction au maximum. Wow. Puis ils disent, faut pas trop se fier sur le 15% parce que les études sont pas toujours de bien bonne qualité. On n'a pas trouvé une de qualité A. Ils sont B, C ou juste passables. Ils sont aussi classifiés par rapport à leur... Alors qu'à la qualité de l'étude. Uh-huh. Alors, c'est bien, bien sérieux comme révision. Wow. Alors, les études ne sont pas toujours de qualité. Donc, c'est on ne peut pas trop se fier. Là. 15% de réduction, là, ça fait à peu près une demi-surface de carrière de moins dans la bouche de quelqu'un. Pis ça, c'est acceptant, comme on disait, que la personne rentre en contact avec de l'eau qui est fluorée de façon suffisante puis qu'elle est dans sa bouche pour que, bon, ça ait un certain effet. Et il y avait des études qui démontraient que le monde avait plus de caries quand l'eau était fluorée. Oui, c'est ça. Puis il y avait des études qui montraient que les gens avaient moins de caries. Lesquelles de ces études-là est bonne? Mm-hmm. Maintenant, quand on évalue le nombre de caries dans la bouche de quelqu'un, c'est bien difficile d'évaluer parce que la carie, elle peut être... en dessous de l'émail, puis ça paraît presque pas. Mm-hmm. Elle peut être bien profonde, puis ça paraît pas. Mm-hmm. Elle peut... quelqu'un ne peut pas la voir parce qu'elle est entre deux dents, à moins de prendre un rayon X. Alors, si on a deux examinateurs qui regardent le même patient, il y en a un qui pourrait trouver deux caries, puis l'autre pourrait en trouver huit. Mm-hmm. Alors, il y a souvent 50% de différence entre deux examinateurs. D'où le jeu en différentes études où on... C'est ça, mais aussi les biais. Alors, si tous les examinateurs croient que la méthode va être efficace, quand ils regardent des enfants qui sont dans la ville où l'eau est fluorée, puis c'est difficile de faire une étude à double insu croisée contrôlée, mm-hmm. alors on a déjà un biais. C'est ça. Sans et compter ça peut aussi, influencer les résultats de l'étude. C'est ça. Sans compter aussi, on peut se référer aux compagnies pharmaceutiques qui se font prendre à falsifier les rapports et maintenant à publier des faux journaux médicaux. Là aussi, on a des intérêts à vouloir passer la fluoration dans l'eau. Et puis donc, on n'a même pas aussi parlé de, c'est ça, de d'où l'étude a été financée. C'est intéressant, justement, par rapport à ça, il y a justement le journal de l'Association canadienne de médecine qui a affirmé que 50% des articles qu'ils reçoivent, c'était des articles écrits par les compagnies pharmaceutiques, signés par des médecins prête-nom. Donc... Et il y avait juste un scandale. Ils ont été obligés d'en filtrer beaucoup, mais on les voit pas toutes. Ah, c'est ça. Donc, on se retrouve, quoi, avec un petit tas de papier qui vaut pas grand-chose, finalement. Là. Ben, c'est en d'autres termes, là, je veux dire, on se retrouve avec des études, on a 22 sur 25 000 qui parlent bon, des effets bénéfiques de ça. Et puis c'est à peu près là-dessus, ils sont discutables. C'est là-dessus que se fie. Alors, il n'y en a pas des milliers d'études. Alors, quiconque prétend qu'il y en a des milliers ment littéralement. Ou est complètement désinformé. Et ça se peut pas que quelqu'un soit désinformé. N'importe quel expert, il faut absolument qu'il ait lu... Vérifier moindrement. Non, ben oui, le moindre, s'il est expert, il a au moins lu les révisions. Alors, il faut qu'il ait lu au moins la révision de l'Université York. Il faut qu'il ait lu au moins le rapport du National Research Council. Il faut qu'il ait lu... Surtout qu'on parle du Dr. Fortin dans le cas de la, tu sais, du ministère de la Santé et puis de ces cas-là. Ces gens-là sont censés être au courant de cette affaire-là. Peut-être pas M. Jacques Ginette dans la rue, mais évidemment que ces gens-là qui prennent des décisions et puis surtout viennent vendre le concept de la fluoration... Puis ils se prétendent des experts. Exactement. Ça, c'est grave. Alors, il y a une étude, entre autres, du gouvernement de l'Australie aussi, qui c'est une Systemic Review of the Efficiency and the Safety of Fluoridation, qui sont arrivés à peu près à la même conclusion. Ça a été fait en décembre 2007. Ils sont arrivés à peu près au même rapport, donc, conclusion que l'Université York, de McDonald et autres. Le rapport du National Research Council des États-Unis pouvait avoir la copie. C'est 450 pages. Alors, c'est énorme. Ça a pris 3 ans. Ces deux recherches-là ont pris 3 ans avec un groupe de scientifiques qui ont tous regardé la littérature sur ce côté-là. Il y en a qui vont dire, ben, l'étude de l'Ontario, de les États-Unis, c'était pour évaluer la norme maximale qu'on pourrait permettre dans l'eau, qui aux États-Unis est 4 parties par million quand l'eau est naturellement fluorée. Puis là, ben, le gouvernement est en train de penser. Au Canada, ça a été fixé à 1,5 parties par million parce qu'à 1,5 parties par million, c'est déjà dangereux. C'est beaucoup plus aux États-Unis. Alors, c'est permis beaucoup plus parce que, justement, ça vient des États-Unis. C'est les compagnies d'engrais chimiques sont aux États-Unis, sont en Floride. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est les mêmes qui déversent? À un moment donné, on savait qu'on avait un problème avec les compagnies autour des grands lacs, comme au Michigan et puis tout, qui déversaient. C'était surtout les compagnies fonderies d'aluminium, mais les fonderies qui ont des déchets industriels aussi avec les fluorures. Okay. Les nouvelles technologies pour l'extraction de l'aluminium nécessite très peu de fluorure maintenant, okay. Mais ça continue à polluer l'environnement parce que plusieurs ont des anciens systèmes, des vieilles cuves et tout ça, uh-huh. qui emploient encore le même vieux système. Alors, dans les grands lacs, on déverse beaucoup et dans certaines régions des grands lacs, la concentration des fluorures dans l'eau dépasse de 2 fois, même des fois 3 fois la norme du gouvernement fédéral. Donc, on est déjà au-dessus des normes. Juste à cause de la pollution environnementale puis les villes qui rejettent les fluorures dans la rivière. Incroyable. Donc là, on se retrouve, c'est ça qui est le plus frappant là-dedans. Donc, on voyait, chers auditeurs, on se retrouve avec un constat. Comme je vous disais, on a utilisé le mot quelques fois dans l'émission, c'est un réel mythe. On nage en pleine fiction. Et puis, pourtant, les données sont là. M. Parent a nommé des études qui sont aussi récentes que 2007, où on arrive tout le temps à la même conclusion. On a de plus en plus, d'ailleurs, d'experts, de gens qui se penchent sur le dossier, qui se rendent compte que c'est une erreur, qu'en réalité, non seulement on devrait pas faire ça, mais on aurait quasiment jamais dû faire ça. C'est assez bouleversant. Quand vous arrivez dans des hôtels de ville et vous confrontez ces gens-là, à un moment donné, il y en a qui doivent avoir l'air fou à quelque part. Ben, dans ce temps-là, ils changent tout de sujet, c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est comme ça c'est qu'on comme sait. Comme ça s'arrête tout de suite, là. Il faut plus aller plus loin, là. Donc, quand vous avez un jury non partial, c'est-à-dire des gens qui viennent vraiment écouter, on se rencontre réellement à un moment donné qu'il y a un problème, là. Puis, à la ville de Sainte-Marie-de-Beauce, c'était, en quelque sorte, le maire de la ville qui faisait un peu le tampon. Puis, quand il voyait que ça devenait trop chaud pour pas que les gens de la direction de la santé publique perdent trop la face, ben là, ils changeaient de sujet. Carrément. Ah oh, oui. C'est spécial. C'était bien intéressant. Il y a une étude qui vient d'être faite par Warren et Levy, Stéphane Levy, qui est un des conseillers du gouvernement fédéral pour la promotion de la fluoration de l'eau, mais il est en train pas mal de changer d'idée. Alors, il y a une étude qui a été faite tout récemment, Consideration on Optimal Fluoride Intake Using Dental Fluorosis and Dental Carry Outcome. C'est une étude longitudinale. C'était publié dans le Journal of the Public Health of Dentistry le 21 novembre 2008. Alors, ça fait tout récent. Tout récent. Alors, il s'est aperçu que la dose qu'on recommande de fluorure en milligrammes par kilogramme par jour avec la fluoration de l'eau, mm-hmm. c'est la dose qui cause la fluorose dentaire. Alors, la concentration qu'on met dans l'eau automatiquement va causer un taux élevé de fluorose dentaire dans la population. C'est incroyable. À Trois-Rivières, là, c'est 50 % des enfants, puis 58 % pour les enfants riches, puis 50 % pour les enfants pauvres qui ont développé la fluorose dentaire. Ah oui. Et l'organisation 50 % des enfants à Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Wow. L'Organisation mondiale de la santé dit que tout endroit où il y a plus que 10 % des enfants qui souffrent de fluorose dentaire, même légère, là, partout où c'est plus que 10 %, on ne devrait pas fluorer l'eau. Wow! Alors, si c'est 50 % des enfants qui... Il est temps qu'on arrête. Et la ville de Sherbrooke qui n'est pas fluorée, ils ont trouvé à peu près que 30 % des enfants souffraient de fluorose dentaire, justement à cause des autres sources de fluorure qu'on est exposées. Donc, déjà, c'est dangereux. C'est déjà trop. Sans que la fluoration soit là. Une petite question avant qu'on parte encore en pause musicale. Ça me fait venir une question à l'esprit. On parle, bon, des droits humains. On n'a pas le droit de faire une médication de masse de la population. On n'est pas consulté. Les dosages sont pas respectés. On prend même pas en compte là, de combien qu'une personne va en prendre. Des athlètes peuvent en prendre beaucoup plus qu'un enfant ou un enfant avec la grandeur du corps, la grosseur du corps qu'il a. Comme un bébé. C'est ça. Ça redevient des concentrations beaucoup trop élevées pour eux. Bon, ma question, c'est, on peut-tu, mettons, on regarde Trois-Rivières. On a 50 % des enfants qui font de la fluorose dentaire. Est-ce qu'il pourrait avoir un moment donné un recours collectif contre des villes contre des gouvernements qui pris ces décisions-là? Ouais. Ben oui. Ils sont responsables, les gens de la ville. À un moment donné, oui. Le gouvernement, il a dit, ben faites-vous-en pas, les gens de la ville, c'est nous autres qui sommes responsables. Mm-hmm. Donc, il faudrait poursuivre le ministère de la Santé publique, premièrement, pour fausse déclaration. Tu n'as pas le droit de tromper le monde. Non. La loi médicale défend aux médecins de... C'est bien clair, là, c'est ça. La loi médicale défend aux médecins de dire des choses qui sont fausses. Exact. Alors, c'est bien restrictif. Et on écrit à la direction de la santé publique et on leur a demandé, est-ce que vous êtes capable de nous fournir la liste des 27 000 études scientifiques? Mm-hmm. Puis on écrit, c'était intéressant, ça fait pas longtemps de ça, c'était en 2005. Alors, j'écris directement, j'essaie de trouver ça rapidement. Bon, on se garde ça après la pause. Oh non, ce sera pas long. Ouais. J'ai écrit au docteur Carsley, qui était responsable à ce moment-là de la santé publique à Montréal, le 29 août 2005, je l'ai réécrit. Ça leur a pris 3 semaines pour me répondre qu'ils ne trouvaient pas la liste des 27 000 études. Ah oui, tu sais, à l'aide de l'ordinateur, là, ça prend 2 minutes de trouver une liste. Ils n'étaient pas capables de la trouver après 3 semaines. Elle était malongue à coincer. C'est ça, à quoi c'est ça. Alors, après deux courriels, ils m'ont dit, ben là, nous autres, on l'a pas, mais vous pourriez peut-être écrire au Dr. Clark, qui est le grand Manitou de la dentisterie au Canada, qui est professeur de santé dentaire à l'Université de Colombie-Britannique. Et le Dr. Clark, il dit, là, cherchez-la pas, la liste, là. Allez voir l'étude de l'Université York, puis vous allez voir qu'il n'y a pas de 27 000 études, ça n'existe pas. C'est incroyable, hein? C'est comme si ces gens-là, non seulement ils poussent la fluoration, mais ils font même pas leur devoir. Et puis, on s'attendrait à ce que quelqu'un qui voudrait amener des arguments, bon, ben ça se préparait et puis arriverait avec au moins des trucs qui sont quand même crédibles. Là, c'est dur de faire un débat scientifique quand les gens du gouvernement qui sont supposés être les crédibles vous disent « Vous êtes pas fiables, vous autres, vous n'en avez pas 27 000 non. études, nous autres, on en a 27 000, mais ils sont pas capables de les sortir. » Non, c'est ça. Mais il y a personne qui va le demander, il y a personne qui va les mettre en doute. C'est incroyable, hein? Donc là, quand ils arrivent avec des gens qui sont bien informés, comme des gens comme vous, d'Au Secours, ben là, ils doivent... c'est genre de vous rire jaune un peu dans les coulisses, c'est comme... Bon, écoutez, c'est très intéressant, puis c'est ça, je voulais savoir, c'est à un moment donné, s'il arrive... comment je dirais, une masse critique de personnes qui se rendent compte que la fluoration, c'est une erreur et puis qui en ont souffert, comme on parle de des villes de Trois-Rivières, où est-ce qu'on a 50 % des enfants qui font de la fluorose dentaire... oui, ça pourrait mettre dans le trouble le gouvernement ou les responsables, en tout cas, de ça. Donc, très intéressant. Surtout, comme on disait, c'est une question aussi de loi. On parle de médecine, on parle aussi des droits humains, donc, qui sont floués là-dedans. Donc, très intéressant. Merci encore. On poursuit après la pause avec notre excellent invité. Ne manquez pas ça. On va compléter avec peut-être plus des questions générales. On va finir avec la fluoration. J'ai des questions aussi à poser à M. Parent. Donc, on se retrouve immédiatement. De retour à l'autre monde, François Margina et Monsieur Gilles Parent en studio ici pour cette édition du 17 septembre. Alors, vous savez, on a passé l'heure de midi. On va se donner une autre dizaine de minutes pour clore, pour aujourd'hui. En tout cas, on va jamais finir par clore ce dossier très volumineux de la fluoration. Mais on va y revenir. Anyway, vous savez, Gilles Parent, c'est une personne qu'on aime bien avoir ici en studio. Donc, on va le revoir de façon régulière, autant qu'on peut, pour discuter de ces enjeux-là, ce qu'on parlait en pause, comme quoi que la santé est devenue tellement un enjeu important. On est attaqué de tous les parts, les additifs dans la nourriture, on parle des OGM, il y aurait tellement de facettes intéressantes à parler, donc on va traiter d'autres choses aussi, j'imagine, dans le futur. Donc on va terminer avec un 10 minutes, et puis après ça, j'ai des petites questions générales à poser à M. Parent avant qu'on se quitte. Donc on va se garder un 10-15 minutes à la fin de l'émission pour parler plus en général de la santé. Donc on parlait de médication, d'autres prétentions, quoi, du ministère de la Santé. Je vous laisse le plancher. Bien, comme on avait dit tantôt, que ça réduirait la carie dentaire de 75%, puis dans le fond, c'est juste 15%, la pensée magique. On a dit, on a le droit d'ajouter du fluorure à l'eau parce que c'est un élément nutritif. Mm-hmm. On a demandé quelle fonction qu'il y a. Mm-hmm. On a regardé aussi, Santé Canada, ils n'ont pas trouvé de fonction. Mm-hmm. Alors, quand une substance, un élément nutritif n'a pas de fonction, ça ne peut pas s'appeler un élément nutritif. Non, c'est ça. Ça s'appelle un médicament. Et puis, si c'est une substance, c'est pas un élément nutritif, puis on l'utilise pour traiter, par définition, automatiquement, c'est un médicament. Mm-hmm. Et la loi de la pharmacie au Canada et la loi provinciale dit que tout supplément de fluorure, tout ça, faut que ça soit vendu seulement en pharmacie parce que c'est un médicament. Donc là, c'est ça, parce que là, juste pour préciser aux auditeurs, si vous parlez de ça, M. Parent, c'est que les pro-fluoration vont essayer de flouer la ligne, justement, entre ce qui est un élément nutritif et une médication, pour certaines raisons, évidemment. Ben, on ne joue pas sur les jeux pour rien, là. Parce que on n'a pas le droit d'ajouter un médicament à l'eau. Merci. Est-ce qu'on aurait le droit de rajouter du lithium? Parce qu'il y a du monde qui souffre, qui sont maniaco-dépressifs, puis qui aurait peut-être avantage de boire un peu plus de lithium dans leur eau. Alors, pourquoi pas en rajouter du lithium? Moi, je trouve qu'il y a pas mal trop de gens dépressifs. C'est ça. On pourrait peut-être rajouter un peu d'antidépresseur dans l'eau. Les mercredis, les vendredis, on va rajouter... En fait, les lundis, ils sont difficiles, donc on va rajouter du lithium le lundi dans l'eau potable. Donc, c'est voyez ça. Bien, chers auditeurs, que ça n'aurait pas d'allure si on commençait à mettre n'importe quoi, là. Je veux dire, des antidépressants, des médicaments dans l'eau, donc on se retrouverait avec un problème immédiatement, mais là, ça se fait avec la fluoration, mais... Et si la substance a juste une fonction topique, par définition, automatiquement, ça n'a pas une fonction systémique, ça ne peut pas être un élément nutritif. Donc, automatiquement, c'est un médicament. L'association dentaire a dit que le fluorure agit principalement par action topique. Donc, on joue avec les mots pourquoi, là? Parce qu'on essaye de... Oui, parce que la loi canadienne, la loi des droits et libertés, empêche toute personne d'être traitée sans son consentement. Mm-hmm, un médecin n'a pas le droit de traiter, à moins que la personne soit débile puis que quelqu'un d'autre soit responsable, mais on n'a absolument pas le droit de traiter, par exemple, un alcoolique puis lui donner un médicament, ou quelqu'un qui est drogué puis lui donner les médicaments pour qu'il arrête d'être drogué. Ce qui vient particulièrement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on avait des expérimentations médicales sur les gens et puis des médications de masse, donc on a dit non, ça c'est immoral. Et c'est la même chose par rapport au vaccin. Voilà, c'est un sujet sur lequel on va revenir très bientôt. Alors, donc, la distinction est faite, ce n'est pas un élément nutritif, c'est une médication qu'on se donne le droit au niveau gouvernemental de mettre dans l'eau. Donc, on fait une médicalisation, est-ce que le mot existe, une médicalisation? Une médicalisation générale. Public. C'est ça, de la population. Donc, c'est de quoi qui est contre la Charte des droits et libertés et contre notre... Alors, opposez-vous à n'importe quelle intrusion dans votre propre corps ou n'importe quel traitement. Oui. Il y a aussi, on avait affirmé dans Fluoration de l'eau, que c'était pour entraîner une réduction des inégalités sociales, que les gens pauvres ont beaucoup plus de caries si on rajoute du fluor. Ah, j'ai jamais entendu celle-là. Ah oui, si on rajoute du fluor, ça va être beaucoup plus efficace chez les gens pauvres que chez les gens riches. Oh! Ah oui! Ah ben oui, ils ont plus de caries, donc ça va être plus efficace. Mais ça réduit pas la carie dentaire. Les dernières études démontrent qu'il n'y a pas de différence entre les gens qui boivent de l'eau fluorée et de l'eau non fluorée. Oui, il y a une différence sur le nombre de cas de fluorose dentaire, par exemple. C'est 50% plus de cas de fluorose. Je me rappelle d'avoir lu des études aussi qui disaient que dans plusieurs villes américaines, je me rappelais surtout des cas américaines, là, que on trouvait aussi plus de caries dentaires dans les villes où on avait l'eau fluorée que dans d'autres. Donc, on s'aperçoit qu'à un moment donné... L'Université de York, ils ont regardé toute la question, puis ils n'ont pas vu... de preuves, d'études, prouvaient qu'il y avait une différence. Puis c'est une affaire qu'on ramène toujours à la surface. Mm-hmm. C'est sans fondement scientifique. Donc là, on pourrait partir sur une base, ça fait 3 émissions qu'on fait là-dessus, donc on peut mettre les choses à date et puis partir avec un nouveau plancher puis dire que on sait maintenant que c'est une erreur. Je veux dire, on a fait une erreur et puis qu'il est temps qu'on arrête ça. Il n'y a plus réellement de zone grise là-dedans, là. Et la direction de la santé publique dit que l'incidence de la fluorose dentaire, des gens qui vont avoir les taches blanches puis tout ça, l'incidence va être extrêmement faible. Ça va être tellement rare puis les cas vont être tellement faibles que ça prend vraiment un dentiste pour les voir. Puis, ce serait 1-2% de la population qui serait affectée de fluorose dentaire. À Trois-Rivières, c'était 50%. C'est ça. Puis à Sherbrooke, qui n'était même pas fluoré, c'était 30%. On a des études en Ontario où jusqu'à 11% des gens ont la fluorose modérée. Puis l'étude qui était faite à Toronto, entre autres, dans les années 80, que l'incidence de la fluorose dentaire modérée était aux environs de 3-4%. C'est incroyable. Alors, on dit que ça n'existe pas. Donc, c'est encore mentir. C'est ça, exactement. Les déclarations qui s'entendent commencent à ressembler finalement à des rumeurs, quoi. Ça, tu sais, du bouche à oreille sans valeur, quoi. C'est, Ça en est quasiment comique, on est ici puis on sourit, quoi. C'est quasiment, c'est ça que je disais à M. Parent en pause, c'est quasiment de la science-fiction. Je veux dire, on entend parler de ça puis on a l'impression que, un peu comme on écoute un film, là, qu'on voit là, qu'il y a une réalité là, en parallèle et puis qu'on était là-dedans et puis qu'on s'aperçoit que c'est quasiment irréel parce que c'est ça, ça fait 60 ans quoi qu'on est dans ce mythe-là et puis là, ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans que là, les preuves, ils sortent et puis on dirait que les gens commencent à se réveiller tranquillement, mais c'est réellement ce que ça a été. On a vécu une fiction totale. Il y a beaucoup de médicaments en passant. Il y a 300 médicaments sur le marché qui contiennent des fluorures, mm-hmm. dont une partie vont peut-être être absorbées et métabolisées par l'organisme comme fluorure, puis ça va intoxiquer l'individu aussi. En plus, c'est ça. Et on peut pas contrôler ce que les gens prennent comme médicaments. On peut pas contrôler la quantité qu'ils avalent quand ils se brossent les dents. On ne peut pas contrôler la quantité d'eau qu'ils boivent. On ne peut pas contrôler la part des fluorures avec les rince-bouche, les solvants, les scellants sur les dents qu'on met. Les plombages peuvent contenir des fluorures. Il y a beaucoup d'insecticides, 30 % des insecticides, entre autres, ce que c'est qu'on utilise sur le tabac et sur le raisin, contiennent des fluorures. Et en passant, la direction de la santé publique de la région de Gatineau ne savait pas qu'il y avait des insecticides qui contenaient des fluorures. Tu sais, je veux dire, des experts qui ne savent pas ça, là. C'est incroyable, c'est ça. Je ne consulterais pas en tant que... C'est ça, je dis, c'est une fiction. On est censé d'être en présence de des experts qui, finalement, possèdent très peu d'éléments qui sont véridiques. Donc, c'est ça, je dis, c'est une fiction. On vit une fiction. Et puis, les gens ont intérêt à se réveiller parce qu'on consomme un poison. On parlait de génotoxiques, mutagènes, et puis qui s'accumulent aussi. On dit bioaccumulation dans le corps, donc et puis dans l'environnement aussi. Quand c'est bioaccumulatif, puis c'est une substance très réactive parce qu'il n'y a pas une substance plus réactive. Entre autres, le fluorure, quand ça s'absorbe dans l'estomac, ça change en acide fluorhydrique. Il n'y a pas un contenant presque à part des certains types de plastique qui résistent à l'acide fluorhydrique. Incroyable. Est-ce que ça pourrait être la cause magique de plusieurs ulcères d'estomac, des brûlures d'estomac? Ça peut être une cause de brûlure puis de reflux gastrique puis d'ulcères d'estomac puis de serre. Et en Inde, où l'eau peut contenir naturellement trop de fluorure, ça cause des problèmes gastriques, des problèmes d'irritation de l'estomac où les gens perdent l'appétit. Mm-hmm. Ça cause des problèmes d'anémie. Et comme c'est un problème au niveau de l'irritation de la muqueuse qui vient inflammer et durcir, le fer s'absorbe pas, alors il n'y a ça presque plus de moyens de traiter à peu près ces enfants-là, à moins de les sortir de l'eau fluorée. Ça, on va clore ce vaste sujet-là. Je suis certain que vous aimeriez, vous auriez aimé en entendre parler plus, mais comme je vous disais, on va revoir M. Parent sur l'émission encore. Mais je vais terminer peut-être avec une petite question rapide que peut-être plusieurs personnes ont sur le bout de la langue. C'est est-ce qu'il y a moyen de détoxifier un corps? Est-ce qu'il y a moyen de mesurer le taux de fluorure qu'on a déjà d'accumulé dans le corps et puis s'en débarrasser? Alors, c'est difficile de mesurer les fluorures, mais ça se mesure quand même dans le sang. Il y a des laboratoires qui peuvent faire ça, des mesures dans l'urine ou dans le sang. Mais c'est compliqué un petit peu, le meilleur moyen de neutraliser un peu l'effet du fluorure, c'est d'augmenter la part de calcium, de magnésium. C'est des antagonistes aux fluorures. D'accord. Ça diminue la toxicité, mais c'est pas un moyen. La seule façon c'est de vraiment se protéger, c'est les mêmes méthodes qu'on a pour le mercure ou l'arsenic ou le cadmium, c'est pas s'exposer à Surtout pas en consommer, quoi. Donc, c'est OK. Mais est-ce qu'il y a moyen de nettoyer le corps des fluorures? Ben, quand on arrête d'en prendre, le corps l'excrète tranquillement. OK. Alors, 50 % des fluorures qui sont absorbées chez un adulte, peut-être 15 ou 20 % chez un enfant seulement, sont excrétées par les reins. OK. Il y a à peu près peut-être 6 ou 7 % qui n'est pas absorbé par l'intestin parce que ça s'absorbe facilement. OK. Donc, c'est les reins qui ont la plus grosse partie de la tâche d'élimination des fluorures. Donc, si on boit plus d'eau, on peut en éliminer un peu plus, mais à condition que l'eau soit très basse en fluorure. D'accord. Et naturellement, il y a toujours des petites traces de fluorure dans l'eau, hein, 0.10 parties. Ce qui est censé être la limite, comme on parlait. À peu près, naturellement, l'eau ne contient pas beaucoup plus que ça, sauf certaines eaux qui peuvent être naturellement très riches en fluorure, des régions volcaniques en contiennent plus. Parce que c'est un élément dans la nature, mais comme il peut y avoir de l'arsenic dans certaines eaux naturelles, puis au Québec, il y a des régions où l'eau, il y a beaucoup trop d'arsenic dans l'eau, puis les gens développent des cancers de la vessie. Intéressant. Naturellement. Oui, c'est ça, à cause et des eaux. Aussi à cause des insecticides dans certaines régions. C'est ça. À un moment donné, ça vient dur d'isoler aussi une cause. Il y a tellement, on disait, on est agressé de tous les ports avec l'alimentation, la pollution, les OGM, un peu près tout. Bon, c'est incroyable. On a un expert ici, vous savez, M. Parent, qui est porte-parole des naturopathes agréés du Québec. Donc, c'est sûr que je vais lui poser la question. Vous savez, votre humble serviteur travaille très fort pour vous avertir contre les dangers de ces futures campagnes de vaccination contre le AH1N1. Je vous réfère d'ailleurs à mon site personnel Épilécès du Québec où j'ai écrit un article il y a deux semaines, un front commun contre les vaccins du AH1N1 sur lequel j'appelle la population, les blogueurs et puis les experts à faire un certain front commun parce que on est très mal informé sur les dangers que ces vaccins-là vont porter. Mais écoutez, là, vous m'avez déjà entendu. Moi, ce que je veux entendre, c'est M. Parent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, cette campagne-là, cette folie? Ben, c'était un peu une campagne de peur parce qu'on a eu plusieurs épidémies de grippe ordinaire. Puis à ces épidémies-là, tuent plus de monde virulente que cette grippe-là. On suppose qu'il va en avoir. Aux États-Unis, il y a dans les années 90, je pense, l'histoire de la grippe porcine. Où on avait appréhendé une épidémie, on avait préparé les vaccins, etc. 1976, c'est ça. Et puis, quand on a vacciné les gens, les soldats, ou surtout des choses comme ça, il y a énormément de gens qui ont eu des complications, ont été malades, et l'épidémie n'a pas eu lieu. C'est ça. Il y a eu plus de morts à cause de la vaccination que de gens qui ont été malades à cause de cette grippe-là qui est appréhendée puis qui n'est jamais arrivée. Même scénario. Alors, on a un peu le même scénario. Peut-être qu'il y a des risques. Sauf qu'on va utiliser un vaccin qu'on n'a pas testé, qu'on commence simplement à tester. On n'a pas les effets à moyen ou à long terme. Les compagnies pharmaceutiques ne seront pas responsables du vaccin. C'est le gouvernement qui va être responsable. Le gouvernement, c'est nous. Alors, je me pose des questions sur la validité de ce traitement-là pour prévenir les grippes. L'année passée, l'autre année avant, on avait préparé des vaccins contre la grippe qui devait avoir lieu dans l'hiver, et les gens ont été plus malades que d'habitude alors qu'ils avaient été vaccinés. Et on a dit, par hasard, c'est pas été le même virus qui est apparu. Donc, on peut pas prévoir ce qu'il va avoir comme mutation. C'est ça. Et on prépare les vaccins 2 ans d'avance. La compagnie Baxter, je pense, a demandé un brevet pour cette grippe-là qui n'existait pas en 2007. Exactement. Un point complètement. On a commencé à dire virus nouveau qu'on n'a jamais vu, une combinaison incroyable. Et puis, les compagnies pharmaceutiques, d'un côté, possédaient des brevets déjà depuis, deux ans. Ouais. Possible. Incroyable. Wow. C'était-tu comme planifié? Excellent programme de publicité pour un vaccin. On peut pas penser mieux que ça. Non. Les gouvernements en bac payent pour la publicité eux-mêmes. Les médias qui embarquent, tout le monde embarque. Les politiciens qui disent que pas, parce que vous avez dit on suppose, même j'ai vu plusieurs articles, on suppose pas, on dit il va y avoir une deuxième vague qui va être beaucoup plus virulente. Et puis, on se demande si ces gens-là vont dans des boules de cristal, vous voyez. Et puis, on arrive avec des vaccins qui sont censés justement nous protéger ou contrecarrer le virus. Et il va contenir des adjuvants comme le squalène, thimérosal, c'est déjà été publié dans les journaux, c'est officiel. Il y a des effets toxiques, on ne sait pas l'adjuvant, l'effet, ça n'a jamais été testé. Là, on est en train de faire des expériences, on dit que ça donne une bonne immunité. Peut-être que ça va donner des bons anticorps, mais est-ce que ça va donner d'autres problèmes de santé? On ne sait pas. Ça n'a pas été étudié. C'est ça. Et on ne peut pas faire des conclusions sur les effets secondaires d'un médicament, à moins d'avoir un bon nombre de populations qui l'a essayé. C'est ça. Donc, les gens vont être cobayes. C'est exactement, ça revient et à ça. Et sur une longue période, au moins 2 ans, pour avoir une conclusion. Puis là, on prépare ça en quelques mois. On a donné l'immunité aux compagnies pharmaceutiques pour des vaccins qui sont même pas à moitié testés. Pas un tiers testé. C'est ça. Et puis, la question sur laquelle je reviens tout le temps, parce que je voyais même des articles du Devoir qui parlaient, comment ils appelaient ça, les anti-vaccins. On appelait ça les anti-vaccins, Internet et les complots, un truc du genre. Donc, on essaie de jeter tout le monde dans un grand sac là, qui sont prudents envers les vaccins comme étant une vague Internet encore de désinformation. Et puis, un peu comme dans le cas de la fluoration, c'est un problème qui est récurrent, c'est que on vous fait peur, on vous dit qu'on va avoir un gros virus, tout le monde va mourir et puis qu'il faut se prémunir. Et puis, on parle jamais des ingrédients, on parle jamais de ce que ces vaccins-là contiennent. On parle pas des tests qui ont été faits et puis tout ce qu'on vous dit, c'est de leur faire confiance. Puis il y a bien des cas d'histoire au niveau des vaccins qui vont dire les épidémies sont disparues parce qu'on avait la vaccination. Eh oui. Alors que les épidémies ont disparu, puis les épidémies ont toujours un cycle, c'est comme tout à fait. Bourgeon d'épinette, là, la tordeuse du bourgeon d'épinette, ça vient par épidémie. C'est des vagues. Vagues. Alors, c'est la même chose pour des infections. Ça court, puis ça meurt de soi-même. Et puis, 10 ans ou 50 ans plus tard, ça recommence un autre cycle. Mm-hmm. Et puis, ça disparaît. Alors, les vaccinations, pour la plupart des grandes maladies qui causaient des épidémies, sont arrivées après que la vague soit passée. Et on a donné le crédit de l'extinction de cette épidémie-là à cause des vaccinations. On parle de Pasteurs, je vois des commentateurs sur Internet et puis on renvoie Pasteur et puis les gens connaissent même pas l'histoire. C'est un grand fraudeur. Et puis c'est basé sur une histoire, un autre mythe encore. Et puis on aura peut-être avoir l'occasion d'y revenir. L'émission achève. Non, c'est ça. Et puis la clé aussi, c'est que qui peut peut-être vous aider, chers auditeurs, là, à comprendre à un moment donné où c'est qu'on essaie de vous venir en bateau, c'est que d'un côté, on vous fait peur et puis après ça, on vous donne des solutions qui font en sorte que nous, on doit dépenser des millions de dollars de nos taxes publiques, exactement, de nos fonds publics, pour acheter des produits qui sont même pas encore là, qui s'avèrent peut-être même pas efficaces, qui commencent à avoir déjà des résistances. Et puis, on ne parle pas de des solutions simples, comme la vitamine D, le soleil, le magnésium. L'exercice physique, manger sainement. C'est comme si le corps avait pas de capacité immunitaire. On parle même pas de ça, on parle même pas comment tenir un système immunitaire fort pour justement résister à n'importe quel virus, donc pas juste à le AH1N1. Donc, c'est ça qui est peut-être un indice à un moment donné, c'est on vous propose tout le temps des solutions. Oui, ça coûte énormément d'argent et puis qui profite en bout de ligne? Les compagnies pharmaceutiques, alors qu'on a des solutions qui sont quoi gratuites quasiment. Là, je veux dire, c'est juste... les gouvernements ont donné beaucoup de feu vert à des médicaments alors qu'ils sont même pas testés. Puis normalement, la loi exige que tout un paquet de processus, d'étapes pour la reconnaissance d'un médicament. Là, ils font toutes des lois d'exception, là. Donc, c'est... Moyen, en tout cas, pour faire de l'argent. C'est ça. Il y a trop d'affaires, là, je tombe. Il y a trop... On va y revenir. Je vais vous laisser avec la voix de M. Parent qui va redonner l'adresse du site d'Eau Secours et puis comment devenir membre. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine, chers auditeurs. M. Parent, je vous remercie énormément. Vous avez le mot de la fin. Alors, c'est bien simple. Vous pouvez, en envoyant 10 $ soit par la poste ou le retrouver sur l'Internet Au Secours. Alors, vous pouvez à casier postal 55036, la section Fairmont à Montréal, H2T3E2. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Parent. On se retrouve très bientôt. Au plaisir.